Bonsoir à toutes, bonsoir à tous et bienvenue sur Radio Gémozo pour cette nouvelle édition de l'heure des loups, la quotidienne de 18h à 19h sur le 107. Bonsoir les Vosges qui nous écoutent pour cette émission spéciale sur les gilets jaunes. Et oui, en effet, on en a 9 dans le studio. Il s'agit de Arnaud, Hervé, Yann, Tiff, Michel, Guillaume, Nathalie, Patrick et Adrien. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Bonsoir. Si vous êtes là, oui, ah oui, c'est vrai, il y a Licinio. Excuse-moi, je t'ai oublié, on est en co-animation, on est très nombreux dans le studio et Licinio aussi est avec nous et il va partager mon micro. Bonsoir Licinio. Bonsoir Lou, merci. Ah oui, là ça va être une émission en impro un petit peu plus que d'habitude, mais comme on le disait, oui, c'est vrai qu'il était temps de faire un point sur les gilets jaunes vu que l'acte 4 des manifestations a eu lieu samedi et le président Emmanuel Macron a fait son discours hier soir. Donc, on fait un petit point sur comment ça a commencé pour vous, où vous en êtes, comment ça a évolué. Enfin, voilà, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses à dire. Mais s'il y a, parmi tout le monde, hein, vous êtes tous, comme nous, des anonymes, il y en a un qui est actuellement le porte-parole du mouvement. Il s'agit d'Hervé. Bonsoir, Hervé. Ouais, bonsoir. Ouais. Alors, Hervé, ça fait combien de temps que tu fais partie du mouvement des Gilets jaunes ? Depuis le 17 novembre. Qu'est-ce qui t'a motivé ? Est-ce que c'est par rapport à la hausse des taxes du carburant ou c'est comme la majorité de la population, hein, la goutte d'eau en fait ? Ouais, non, c'est la goutte d'eau, c'est la totalité, quoi. Quand je vois les gens qui n'ont pas d'argent, quand je vois les gens qui n'arrivent pas à acheter du fuel pour se chauffer, c'est soit ils vont manger, soit ils vont se chauffer. Enfin, il y a plein de choses. Et au bout d'un moment, ça fait longtemps déjà que ça mûrit. Quand je vois tout ce qui se passe en France, quand on regarde la télé, on a juste à ouvrir la télé, hein, les SDF, hein, ceux qui n'ont pas à bouffer, on va dire. Hein, donc ça fait un peu mal aux tripes. Et après, on en voit 1, 2, 3, 10, 100, 1000. Et puis après, maintenant, c'est les anciens qui n'arrivent plus à chauffer, limite manger ou s'habiller. Enfin. Donc au bout d'un moment, il y en a marre et on se sent concerné parce que nous, on ne sait pas comment on va finir et on ne sait pas comment les autres, mes collègues, tous les Français, le peuple va terminer dans la rue. Quoi. Et moi, j'ai vu des gens qui n'ont même pas les sous pour mourir, quoi. Donc, parce que ça coûte. J'ai vu des gens qui avaient mis 800 litres de fuel parce qu'il leur faut 1500 litres pour l'hiver, quoi. Donc ils disent au bout d'un moment, soit on mange, soit on chauffe. Donc il y a des gens sur Remiremont, hein, dans le coin, qui vont pas chauffer, quoi. Donc parce qu'ils ont travaillé toute leur vie au SMIC. Donc c'est voilà. Et puis, et tu fais quoi dans la vie? Moi je suis mécano, de la soudure, un peu d'électricité, quoi. D'accord. Et tu gagnes pas ta vie correctement? Si, moi je gagne, ça va, mais là je suis là pour les autres plus que pour moi, quoi. Moi j'aime toujours donner, j'ai toujours fait du bénévole, donc moi je pense qu'il faut donner de soi-même. Si personne ne le fait, on n'aura rien, quoi. Et eux, ils se gaveront encore toujours, ils en auront toujours plus. Et plein d'autres gens, ils crèvent, quoi. Donc il y a trop d'écart, en fait, entre ceux qui crèvent la faim et ceux qui en ont trop, quoi. Dis-moi Hervé, ton ras-le-bol, il n'est pas né avec le mouvement des Gilets jaunes, il était déjà plus ancien, j'imagine, comme celui du reste de la population française. Ouais, complètement. Puis je pense que tous les Gilets jaunes et le peuple français, c'est ça aussi, de toute façon. Si on est tous là, à un moment donné, dans la rue, c'est qu'il y a un gros blème, mais depuis longtemps, quoi. Depuis le permis à point, depuis ça, enfin, toutes les taxes qu'il y a depuis des années qui nous prennent, quoi, qui nous pompent, et au bout d'un moment, il y en a marre, quoi. Ça se comprend, bien entendu, et tu n'es pas l'initiateur du mouvement à Saint-Étienne-lès-Mirmont, mais tu fais partie du groupement qui est au rond-point de Saint-Étienne-lès-Mirmont. Ouais, voilà, en fait, on a lu un porte-parole que s'il fallait voir la gendarmerie ou enfin, voilà, les députés ou autres, plutôt que d'y aller à 5, 10, et ben, en fait, il y en a un ou deux qui y vont, c'est pour ça, quoi. Comment a commencé le mouvement, en fait ? Il a débuté comment, le mouvement des Gilets jaunes ? Eh ben, sur Internet, en fait. Au départ, moi, de ce que j'ai vu, hein, parce que voilà, j'ai vu qu'il fallait mettre un gilet jaune, et puis j'ai dit, ouais, pourquoi pas, il y en a marre, quoi. Donc, voilà. Et puis on se fait traiter de feignant par notre président, là, alors qu'on fait 90 heures, hein, comme j'ai déjà dit sur mes vidéos. Voilà, on est là le matin quand on est de l'après-midi, l'après-midi quand on est là le matin, enfin quand on travaille du matin, et quand on travaille de journée, on est là le soir, ben pour essayer d'aider les gens, pour essayer d'avoir un peu quelque chose pour les autres, quoi. Voilà. Mais toi, la hausse du SMIC, là, comme ils viennent de dire, il a augmenté de 100 euros, ça te concerne pas ? Non, ça me concerne pas, mais moi, ça me va pas. 100 euros, ils ont donné des miettes, là. Ouais. Enfin, moi, pour moi, ils ont donné des miettes sur. Comme on disait tout à l'heure, enfin, Michel disait tout à l'heure, ils ont donné le sucre glace, mais ils ont pas mis le gâteau, quoi. Ah, non, mais c'est vrai, il y a de l'argent, enfin, je sais pas, il y a de l'argent, mais ça dépend pourquoi. C'est toujours pareil, quoi. Pour les guerres, il y a de l'argent, pour Gons, enfin. Etc. Il y a de l'argent. Cette personne-là gagne par exemple 45 000 euros par jour, et cette personne-là, il trafique encore. Enfin là, bon, pour l'instant, il trafique plus, hein, mais je veux dire, il trafique encore alors qu'il gagne 45 000 euros par jour. Mais il veut faire quoi de cet argent ? Il peut pas redonner aux gens qui en ont pas. Et puis que les gens puissent manger et puis au moins vivre, quoi. Oui, ça se comprend vu que, comme je le disais, c'est un gros ras-le-bol. Donc toi, t'es pas le seul, hein, vous êtes plusieurs. Mais dis-moi, comment est venue cette idée de rond-point stratégique au niveau du Leclerc de Saint-Étienne ? Bah parce qu'au début, on était à Saulsure et ça a duré le week-end. Et après, le week-end, ça s'est arrêté parce qu'on n'était pas tout à fait assez. Donc en fait, on est descendu à Saint-Amé, au rond-point du syndicat. Et au rond-point du syndicat, on s'est fait jeter. C'était soit on partait, soit il y avait les CRS. Donc on a dit, on va au clash ou on part. Bon, allez, on part, on descend un peu plus bas. Et puis on était au rond-point d'après. Et depuis là, on est au rond-point là, quoi. C'est un endroit spécifiquement stratégique parce que aussi pour le 17, il y avait déjà les blocages routiers. Mais c'était aussi les blocages des grandes surfaces, des grands commerces. Ouais, parce que nous, en fait, on a... Quelque part, les Gilets jaunes, on a un peu que ce moyen de pression. En embêtant, ben justement, malheureusement, hein, ces gens-là, eh ben, en haut, ils ont tous des copains, de toute façon. En haut, ils sont tous copains, potes de fric, de toute façon. Donc, en haut, eh ben, ils vont taper, hey, Manu, écoute, ils nous emmerdent, fais quelque chose, donne-leur à bouffer, donne-leur quelque chose, parce qu'autrement, ils nous emmerdent. Et je pense qu'en emmerdant, malheureusement, hein, en taquinant ces gens-là, et ben il y en a qui connaissent en haut, et puis ça remonte, et comme ils sont tous copains de fric, ben un jour ou l'autre, ben oui, moi je vais faire quelque chose pour plus qu'ils viennent t'emberner, ces gens-là, et pour plus qu'ils viennent t'embêter, les Gilets jaunes, et puis on va leur donner le sucre glace, quoi. Ah. Mais le sucre glace, c'est pas suffisant, quoi. Ça s'appelle du saupoudrage. Voilà, ils ont donné du saupoudrage, quoi. De la poudre de perlimpinpin. Voilà. En effet, l'image est très bien choisie pour la poudre de perlimpinpin, mais il y a quelqu'un d'autre à qui j'ai envie de donner la parole. Il s'agit de Michel, ouais. Que c'est l'autre personne avec qui j'ai discuté quand on s'est rencontrés, parce que oui, c'est vrai, autant dire aux auditeurs comment ça a commencé. Je suis allée vous voir au rond-point pour discuter un petit peu et voir si c'est possible de faire une émission, une interview. Et Michel, toi aussi, tu avais des informations importantes à me donner. Est-ce que tu as une place de porte-parole comme Hervé ? Ah non, chacun sa place. Hervé, on a fait ça de manière démocratique. On a eu plusieurs personnes qui se sont présentées. Deux ont été élus, qui nous représenteront dorénavant sur le plan départemental. Chacun sa place. Moi, je suis gilet jaune. Je resterai gilet jaune. On est là pour les appuyer. Ils ne sont que porte-parole. C'est-à-dire qu'il faut bien comprendre qu'ils ne prennent pas de décision. Ils ne dirigent pas le mouvement. Le mouvement, c'est l'ensemble des personnes que tu vois là et toutes les autres qui le dirigent. C'est pour ça que ça ennuie un peu nos amis d'en haut, quoi, notre chef d'État et toute sa clique d'animaux mal dressés, parce qu'ils aimeraient bien mettre un nom et une étiquette pour pouvoir en mettre plusieurs en prison. Mais là, mettre qui en prison ? Il n'y a pas de responsable. On est autonome tout en étant unis. Et ça, ça les ennuie. Mais ça va durer comme ça, monsieur Macron. Il faut bien qu'il se rassure. Quand il aura compris ce qu'on lui demande, ce que l'on veut, peut-être que là, on pourra rentrer chez nous. Mais pour l'instant, il est un peu sourd, l'homme. Alors on va faire en sorte que ses oreilles se nettoient encore davantage. Il n'a pas très bien compris. Il a fait quelques pseudo-cadeaux, on peut dire pseudo. Il parle d'heures supplémentaires. Ben, il est gentil, lui. Dans la plupart des entreprises aujourd'hui, elles sont annualisées. Alors, les petits cadeaux qu'il a fait aux heures sup, les Français, en général, vont quand même s'asseoir dessus. Ils n'auront droit à rien. Ils n'ont rien, ils n'auront rien de plus. Comme la gendarmerie, d'ailleurs. Ben, de toute façon, c'est comme pour tout le monde. Et il nous parle toujours de l'argent, de l'argent, de l'argent. Mais mon pauvre ami, si tu ne sais pas où il est l'argent, demande-nous. Bloque déjà ton CICE. 20 milliards d'euros depuis 2013. 6 ans à 20 milliards d'euros pour soi-disant créer de l'emploi. Aujourd'hui, 9 100 000 chômeurs. Il y en avait autant il y a 6 ans. On a dépensé 120 millions que ses amis du CAC 40 se sont largement mis dans les poches, ont distribué à leurs actionnaires. Et ça a créé quoi ? Rien. Il a enlevé la taxe sur les fortunés, l'ISF. Il a enlevé l'ISF. Parce qu'il doit 3 ans. Hein. Il doit 3 ans d'ISF, hein, Macron. Hein. Donc, c'est pour ça qu'il a enlevé la taxe. Hein. Il a enlevé l'ISF, il est bien gentil. Après, il nous dit je peux pas la remettre. Mais mon ami, que tu ne la remettes pas, c'est pas grave, mais en une autre. Hein. Mais tu fais quoi, toi, dans la vie, Michel ? Moi, je suis plombier. Plombier ? Voilà. D'accord. Donc, tu gagnes plus que le SMIC aussi, quand même ? Ah oui, bah, heureusement, ouais, sinon je serais pas là. Mais tu les soutiens, quand même ? Bah, jusqu'au bout. Parce que tu t'en sors pas, quand même, même avec plus que le SMIC ? Non, ouais. Mais tu peux pas vivre avec le SMIC. Et même au-delà, aujourd'hui, tu ne peux plus vivre. Quel que soit ton niveau social dans la société, en dehors de quelques heureux gagnants, quoi. Mais toi, tu ne peux pas vivre, c'est impossible. Le gasoil, c'était vraiment la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Oui, mais tu sais, le vase est plein depuis 2005 et même avant. Regarde, on nous parle de démocratie tous les jours. Ces bandes d'idiots nous parlent de démocratie, mais ce ne sont pas des démocrates. En 2005, ils nous sortent le traité de Lisbonne. On leur dit à 75%, on n'en veut pas. Qu'est-ce qu'ils font, les guignols ? Quelques petites modifications à la marge et ils le votent entre eux. Après, ils viennent vous dire, oui, vous n'êtes jamais content. Il est parti à Marrakech signer un accord. On ne sait même pas ce qu'il y a dans cet accord. Gugus se permet d'aller signer des choses en notre nom, parce qu'il parle en notre nom. Et en fin de compte, il va signer des trucs, on ne sait même pas ce qu'il y a dedans. Alors s'il te plaît Manu, arrête de mettre les pieds, remets tes pieds dans tes chaussons, s'il te plaît, remets-toi à table et travaille, viens nous voir. S'il y a 3 semaines, il avait envoyé tous ses députés, chacun dans leur circonscription, de manière immédiate, pour nous rencontrer, on serait tous à la maison. Mais est-ce que c'est la faute d'Emmanuel Macron, en fait, à la base ? Oui. Tu sais pourquoi on lui en veut à lui plus particulièrement ? Tu prends Alstom, tu ne peux pas aller plus loin, tu vois ? C'est plein de petites choses. Monsieur Macron est quand même au pouvoir depuis Hollande. Il était quand même dans les arcanes du pouvoir. Alstom, c'est lui. Regarde Whirlpool. Ils vont ouvrir leurs entreprises ailleurs alors que notre entreprise française faisait des bénéfices. Et maintenant, Whirlpool continue à entrer avec son matériel chez nous. Il nous dit, on ne peut pas taxer. Mais si, tu fais comme pour les salaires, mon petit loup. Tu taxes à la base. Le produit est vendu. Bah, tu mets l'impôt immédiat. Et comme ça, il n'y aura plus de fraude fiscale. 100 milliards d'euros, mes agneaux. 100 milliards d'euros qui s'en vont, on ne sait où. En tout cas, si on sait. Dans les poches de ces nantis qui se gavent âprement. Et pendant ce temps-là, ben, le peuple, le voilà autour de vos micros. Et je peux vous garantir qu'on n'est pas rentré. Non, en effet, vous n'êtes pas rentré. Et d'ailleurs, s'il y a quelque chose qui a changé par rapport au regard des médias, c'est que d'un mouvement de masse qui peut sembler anarchique, du moins moi je vous dis simplement comment je l'ai vu vis-à-vis des médias, ça commence à se structurer comme je le disais. On voit, il y a un porte-parole, il y a des porte-parole départementaux, etc. Ça se structure. Et il y a autre chose qui s'est structurée aussi avec le temps, c'est les revendications des Gilets jaunes qui sont au nombre de 42. Alors on ne va peut-être pas toutes les décrire, mais est-ce qu'il y en a un d'entre vous, même si j'ai pris 2-3 petites notes, qui se sentirait de me décrire les grandes lignes, les choses les plus importantes ? Alors, à qui va-t-on laisser la parole ? À Hervé ? Non, mais on peut parler... C'est ce qu'on appelle un blanc à la radio, ça. Ouais, on peut parler de beaucoup de choses. Enfin, moi, je vois... Enfin, moi, pour moi, de toute façon, comme là, les taxes d'habitation en ce moment, là, elles ont baissé. Et puis elles vont être à zéro, au bout d'un moment elles vont être à zéro. Alors il enfume un peu le monde, les taxes d'habitation vont être à zéro. Mais quand les taxes d'habitation vont être à zéro, tous les maires, quand ils auront besoin d'argent, ils vont faire comment, les maires des communes ? Ils vont demander à Macron ou aux députés, ouais je veux de l'argent parce qu'il faut que je fasse ci, il faut que je fasse ça, puisqu'il n'y aura plus. Mais si on n'est pas son copain, si les maires ne sont pas ses potes, eh ben ils n'auront rien du tout quoi. Enfin, il y a plein de choses. Comme là, je voulais revenir sur le traité qui a été au Maroc, là, qui a été fait. Ça, c'est pour avoir des voix, des trucs, et faire peut-être une deuxième ou une troisième guerre, on ne sait pas. Enfin, c'est un peu la folie, quoi. Moi, je voulais aussi y aller. L'immigration massive. Ouais, l'immigration massive, mais c'est pas pour rien qu'ils font ça. C'est pas pour rien. Ces gens-là, ils font rien pour rien. Moi, je pense que des fois, j'ai l'impression que Macron, il veut être le boss de tout en haut, quoi. Et, c'est un exécutant. Et écraser tout le monde, quoi. Donc là, pour en revenir, moi, je disais, il y a la CSG sur les retraites, quoi. Et puis les pensions de reversion, c'est inadmissible, quoi. Il faut supprimer la CSG, la pension. Enfin, pour moi, la pension de reversion, les 25% qu'ils enfument les gens, ça va pas, quoi. Il l'a supprimé la CSG, là, visuellement, que pour en 2019. Ouais, mais... pour 2019. Ouais. Ouais. Et puis tu vois, admettons, si Manu veut commencer par faire quelque chose de formidable pour les Français, il va commencer à séparer nos comptes de dépôt de leurs comptes de placement. Comme ça, en 2008, ça a craqué. Ça va recraquer très bientôt. On n'aura plus à payer. La dernière fois, rappelez-vous, Nicolas Sarkozy, vous savez, le grand, la Rolex et le Fouquet, ça. Il a expliqué aux Français que les 400 milliards qu'il avait prêtés à ses banques, c'était pas du vrai argent, rappelez-vous. Il m'a fait rire à ce moment-là parce qu'il expliquait aux gens qu'il ne sortait pas les billets de la banque pour les amener à d'autres banquiers. Mais non, imbécile, on n'est pas plus idiot que lui, on sait très bien que c'est de la transaction par informatique, il n'y a pas... Mais puisqu'il a réussi à prêter aux banques 400 milliards d'euros en monnaie de singe, pourquoi il ne rembourse pas la dette avec de la monnaie de singe? Puisqu'à l'époque, il nous l'a fait comprendre que c'était pas du vrai argent. Alors ne viens pas m'ennuyer avec ta dette, Manu. Tu fais comme tout le monde, tu prends de la monnaie de singe, tu rembourses tes guignols et on n'en parle plus. Vous voyez qu'il y a des choses simples à faire. Il veut mettre un terme à tout cela. Il autorise l'Assemblée citoyenne, il fait un référendum, c'est tout simple. Et il nous autorise à mettre une Assemblée citoyenne. On réduit de 50% minimum le nombre de sénateurs. On en fait autant avec les députés, parce que de toute façon, quand on voit ce qu'ils font depuis 50 ans, on ferme l'ENA, parce que le nombre d'énarques qui nous dirigent, quand on voit le résultat, autant de matières grises pour si peu de qualité, ça veut dire que l'école est mauvaise. Ça n'est pas l'homme, c'est forcément la formation. Donc on ferme l'ENA, des glands pareils, on n'en a plus besoin. Vous voyez ce que je veux dire? C'est des choses toutes simples, toutes bêtes. S'il ne sait pas, Manu, qu'il vienne nous voir, il demande à ses députés de venir nous rencontrer. On est prêt à lui expliquer comment faire. Et pourtant, nous ne sommes que de pauvres airs. Comme l'a dit monsieur Édouard Philippe, pas monsieur Castaner, c'est encore les bouseux qui se plaignent parce qu'ils n'arrivent pas à mettre du pétrole dans leur tracteur. Eh bien, mon bon Castaner, t'as qu'à descendre. Le bouseux, il va te montrer. Il a une main à droite avec élan, mon chéri. Oui, Tim. Il y a une revendication aussi qui revient très souvent sur la table, c'est le référendum d'initiative citoyenne. C'est-à-dire de plus en plus de gilets jaunes commencent à se mettre d'accord sur le fait que les citoyens devraient pouvoir, de leur propre initiative, demander un référendum à toute la population française. Nous avons commencé une action au Cora, au Leclerc, il y a eu un article dans le journal hier... Sur ce thème. Donc en fait, comme M. Macron n'a pas le courage d'organiser lui-même un référendum sur la question de sa destitution, on a décidé de l'organiser nous-mêmes parce qu'on considère que ce n'est pas aux gilets jaunes ni au gouvernement qu'on pense illégitime de décider de la destinée des Français, c'est à tous les Français. Donc on commence à se structurer aussi autour de Mais légalement de parlant, c'est possible ça? Disons que c'est symbolique. Pour l'instant, c'est symbolique. D'accord. C'est-à-dire, on a pris une urne, on l'a mis au Leclerc. Il y a pas de liste électorale, il y a pas de choses comme ça. C'est très symbolique, mais ça nous permet aussi nous de savoir si les gens nous soutiennent ou pas. C'est-à-dire, on a déjà recueilli près de 2000 votes. Donc, les sondages, c'est la loi des grands nombres. Donc, ils prennent un échantillon de 2000, ils sondent et ils savent. Donc, ça nous permet aussi de savoir si on est vraiment légitime auprès des Français, puisqu'on parle un peu en leur nom. Donc voilà. Disons que c'est une manière symbolique. C'est une manière symbolique de mettre un peu de pression, si vous voulez, pour obtenir un référendum que M. Macron se présente devant tous les Français. Est-ce que vous êtes les seuls? C'est local ici ou c'est partout? Non, c'est national. Partout, c'est national. Ça commence à faire son chemin, surtout l'idée. Et, en fait, toute pression est bonne. Hein. Chacun a sa petite organisation. Donc le but, il faut bien comprendre que tout ce qu'on fait voter aux gens, que ce soit dans les supermarchés ou même au sein même du rond-point, c'est purement symbolique et c'est un moyen de pression, je le répète, pour pouvoir, si vous voulez, obtenir le référendum citoyen. Bien sûr, il y a beaucoup de personnes qui me disent « Oui, mais Macron, il démissionnera jamais. Et s'il démissionne, ça sera toujours les mêmes, ça sera un autre pourri. » Mais c'est pas la question. On sait bien que M. Macron ne va pas démissionner. On sait bien que on va pas réussir à le virer comme ça, parce que de toute manière, ils seront prêts, ces gens-là, à mourir plutôt qu'à laisser leur place. Voilà. Et puis, dissoudre l'Assemblée nationale également, ça fait partie de nos propositions. Mais c'est encore purement symbolique, l'expression du peuple, pour pouvoir mettre un moins de pression et obtenir le référendum d'initiative citoyenne. Mais qui à sa place? C'est toujours la question, qui a sa place ? Le référendum d'initiative, vous savez ce que c'est ? Expliquez-nous. Alors, tout simplement, c'est juste par rapport à la... En fait, c'est la possibilité aux citoyens de prendre l'initiative de faire un référendum sur une question. Qui a sa place ? Moi, je dirais pourquoi pas des gilets jaunes. Moi, ça me ferait vraiment rire de voir des gilets jaunes qui viennent de milieux, modestes, arriver dans les ors de la République, voir à quel point, dans quelles conditions vivent ces gens-là, dans quels privilèges ils ont. Et je pense qu'ils auront vraiment à cœur de changer, de tout balayer, de tout changer, parce que je pense que c'est une revendication aussi commune des gilets jaunes. On aimerait aussi que la Constitution, qui date de 1958, qui a 60 ans, on est en 2018, le monde a changé, la France a changé, et on fonctionne toujours avec des institutions qui ont 60 ans. Aussi, par rapport à la question, c'est-à-dire on demande la démission de M. Macron et la dissolution de l'Assemblée, cette revendication, non, on y croit, parce qu'il y a eu un précédent. Le général de Gaulle, lors de la crise de 68, s'est présenté devant les Français, parce que c'était un grand démocrate, s'est présenté devant les Français, a dissolu l'Assemblée. Le 30 mai 68. Ensuite, il a gagné les législatives, il a gagné plus de sièges et il s'est encore représenté devant les Français parce qu'il avait à cœur de la démocratie. Pour lui, c'était important, je pense. Pour M. Macron, je ne suis pas sûr. Je pense qu'il a peur d'un référendum. Il aurait peur que tous les Français se prononcent sur cette question. Et donc, le général de Gaulle a mis sa démission en balance un an plus tard, en avril 69, quand il a fait un référendum sur une question, et à 52%, c'était non, donc il a démissionné. Donc il y a déjà eu un précédent, Monsieur Macron peut partir, on y croit tous, c'est notre conviction, et on veut qu'il s'en aille. Les futures élections, c'est européenne. Comment ? Les futures élections, c'est européenne. Oui, oui, oui. Personne ne veut se présenter ? Écoute, il faut que tu comprennes que l'élection européenne, pour l'instant, c'est pas notre priorité. Oui. Notre priorité, c'est de remplir l'assiette des Français. Le référendum populaire citoyen dont il te parle, c'est l'article 3 de la Constitution. C'est facilement vérifiable. Et pourquoi on demande le départ du président ? Pour une simple et bonne raison. Il a été élu avec 18% des Français. Je vais te faire le calcul rapide. Deuxième tour de l'élection, 52% d'abstention, on n'en parle plus. On n'est que 38 millions d'électeurs, pas plus. Hein. Tu regardes après, 22% de blocs sur les 50 qui restent, les 48 qui restent, pardon, 22% de vote blanc et nul. Correct. 35% pour la Le Pen. Correct aussi. Qu'est-ce qui lui reste à Macron ? Rien. Une goutte d'eau dans l'océan, 18% des Français. Alors qu'il arrête de nous faire entendre avec lui, ses amis de la presse et compagnie, qu'il est légitime, mon pauvre ami. Notre protocole électoral ne serait pas aussi mal fait, ne serait pas aussi pourri, parce que c'est un système de pourris pour des pourris. On n'en serait pas là. Aujourd'hui, ce que l'on voudrait, nous, c'est déjà que le vote soit obligatoire, que tous les Français se prononcent. C'est fini de laisser une toute petite minorité, je dirais ridicule, prendre les décisions pour le reste de la population. On n'en est plus là. Donc c'est fini les discussions inutiles. On n'a plus de temps à perdre. Ou ils comprennent très vite, ou ils ne comprennent pas. Pour l'instant, le mouvement est bon enfant. Regardez chez nous. Jamais d'anicroche, jamais de violence. On espère que ça va durer. Mais tu ne retiens pas les loups en cage très longtemps. Et on a de plus en plus de loups. Et ces loups-là commencent à avoir des dents longues. Nous, on aimerait bien que ça se calme. On aimerait bien rentrer chez nous, faire les fêtes de Noël avec nos familles. Mais le 24 décembre au soir, moi, je serai à un rond-point. Alors imaginez-vous que je ne serai pas le seul. On sera très nombreux à être à un rond-point. Là, on va gâcher nos fêtes de famille, on va oublier nos enfants parce que la France est en péril. Alors, Monsieur Macron, si tu veux faire un effort, viens nous voir. Puis pour revenir sur Monsieur Charles de Gaulle, c'était quelqu'un de courageux, chose que Monsieur Macron n'est pas. Hein. Pour la petite aparté. C'est en effet important de le préciser. Comme on le voit, il y a plein de ras-le-bol, plein de problèmes qui sont soulevés. Problèmes de justice sociale, de justice économique, de chômage. Enfin, voilà, plein de problèmes en tout genre. Mais ça n'empêche pas que vous serriez les coudes. D'ailleurs, il y a quelqu'un qui est en live sur Facebook vous soutient. C'est les gilets jaunes du rond-point du Lidl de Neufchâteau. Comme ça, vous avez le bonjour de leur Coucou, part. Salut. Voilà, salut à toi, Franck. Comme je le disais, vous pouvez, enfin, ou comme je le dis dans toutes mes émissions, mais je ne l'ai pas encore dit pour ce soir, vous pouvez toujours réagir à l'émission via notre page Facebook Radio Guémouzo ou en nous appelant au 03 29 62 40 40. On va peut-être souffler deux petites secondes en s'écoutant un petit morceau de musique. Il s'agit d'un CD qu'Hervé a ramené, In Extremis en brut. Alors on s'écoute un morceau et on se retrouve juste après. Yes. Mmh. de voir les choses tomber, s'écrouler sous nos pieds sans même bouger. Le terrorisme pullule, les ghettos, les charniers. On vit de la mort sans s'en préoccuper. En attendant de nouvelles guerres, de belles images à la télé, de corps à demi ensevelis. Est-ce là la liberté? Et le monde est beau, le monde est chaud, le monde est fou. Et l'on rigole de tout, on dirait même qu'on s'en fout. On est où? Et l'on en a tant vu, et l'on en voit encore. Horrifié mais blasé de ce qu'est la mort. Le dernier des Mohicans se retourne dans sa tombe. Le Rwanda, la Yougoslavie, le Kosovo, l'Éthiopie. Y'a que le Koweït qui a eu du bol. Ou bien alors c'est le pétrole. Y'avait du fric plein les caisses pour la guerre du Golfe. Et le monde est beau, le monde est chaud, le monde est fou. Et l'on rigole de tout, on dirait même qu'on s'en fout. On est où? Sur Radio Gamozo 107 FM, toujours dans l'émission de l'heure des loups. Et vous pouvez réagir à l'émission en écrivant sur notre page Facebook Radio Gamozo ou en appelant au 03 29 62 40 40, la ligne est ouverte. On est toujours avec, déjà, Lee Signaux avec mon studio. Toujours. Oui, toujours, oui, c'est vrai. On a un micro pour deux, c'est un petit peu... C'est un peu compliqué. Et toujours avec Arnaud, Hervé, Yann, Tiff, Michel, Guillaume, Nathalie, Patrick et Adrien. Toujours du mouvement des Gilets jaunes. On a parlé un petit peu de comment c'est né, de trois protagonistes. Mais c'est vrai qu'il y a quelque chose qu'on n'a pas trop... on a demandé qu'à un ou deux invités. J'aimerais bien savoir quelle est votre activité à vous. Enfin, si vous faites quelque chose dans la vie, vu que c'est vrai qu'on s'imagine, enfin, beaucoup se battent pour les droits des chômeurs ou pour les droits des personnes qui ne gagnent pas beaucoup. Alors, qu'en est-il de vous, à commencer par Arnaud? Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Ben, moi, je suis intérimaire, mais en ce moment au chômage. Et justement, hier, les annonces de M. Macron, on n'a rien entendu pour les chômeurs. Voilà, en effet, c'est important. Et je rappelle qu'on parlera aussi un petit peu plus tard de... Enfin, un petit peu plus tard, ça va filer vite. Je sens qu'on va déborder un petit peu. Mais parler aussi, bien entendu, de ce que vous pensez de la réaction d'Emmanuel Macron d'hier soir, que j'ai écouté attentivement. Savoir si vous vous êtes senti compris, entendu ou pas. Mais en effet, tu as déjà commencé à répondre à la question. On n'a pas demandé à Yann ce que tu fais dans la vie. Alors, actuellement, je ne travaille pas, je suis au chômage. Oui. Voilà, sinon je suis mécanicien et cariste, donc intérimaire à la base, mais j'ai perdu mon permis de cariste parce que, avec toute cette belle et grande crise, mon permis, les CACES, il faut savoir qu'ils sont valables que 5 ans. Bon, moi j'ai le 1-3-5, donc voilà. Et donc au chômage actuellement. Pour l'instant, et toi, Tiff? Moi c'est pareil, j'ai fait beaucoup de contrats d'intérim, je suis au chômage, mais je suis aussi porteur de projet. J'ai un projet de ferme agroécologique à Madagascar. Donc là Macron il a parlé hier soir, il a pas parlé pour vous là en fait visuellement. Pour les chômeurs, pour les... Si, moi, je suis né en France, j'ai grandi en France. Mais ce que je veux dire, dites-moi. C'est que financièrement, il a parlé de Macron hier soir, mais il n'a pas parlé pour vous, en fait. Pour les chômeurs, pour ceux qui sont au RSA, vous n'avez pas été concerné. Comment ça, c'est... Il n'a pas fait de geste envers vous. Ah non, pour les chômeurs, pour les fonctionnaires. Oui, j'ai pas compris la question. D'accord, voilà. Très bien, oui. Oui, il n'a fait aucun geste. Important de le préciser. Guillaume, qu'en est-il de toi? Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Bah, moi, je suis au chômage, là. Je Je cherche du travail. Tu cherches activement du travail, Nathalie, est-ce que c'est aussi ton cas ? Non, pas du tout. Moi, je suis assimilée fonctionnaire, donc je suis dans l'éducation nationale. Donc rien à voir. Hein. Par contre, j'ai pas un contrat à temps plein, donc je suis au tarif du SMIC horaire. Par contre, voilà, je dépasse pas les 1000 euros. Donc voilà, je me sens concernée, puis par plein d'autres histoires de vie, effectivement, qu'on peut entendre de ci, de là, sur les ronds-points. Quoi. Oui, ce qu'on voit bien, c'est pas forcément une question d'emploi ou de chômage, d'être gilet jaune, c'est beaucoup plus que ça. Adrien, qu'en est-il de toi ? Moi, je suis au chômage, en création d'entreprise d'exploitation agricole. Et j'aimerais bien savoir ce que Patrick fait, mais Patrick tient une caméra, donc... Moi, je suis retraité, je suis un ancien patron et je me défends. Je défends les ouvriers. Donc on a différentes couches sociales ici dans ce studio. On a des jeunes, des moins jeunes vu qu'on a un retraité. On a des actifs, on a des intérimaires, des chômeurs. On a vraiment de tout. Autant dire que c'est un panel assez varié et on va dire plus... plus touché par toutes les différentes mesures prises par les politiques, par le gouvernement ces dernières années. Enfin, ça remonte, hein, selon les propos d'Emmanuel Macron, ça remonte à 30 ans. Voilà, c'est un ras-le-bol qui est venu avec toutes les manifestations. Ah tiens, on a encore une réponse sur Facebook. Bravo les gilets jaunes de Remiremont, c'est vrai, les loups ont les dents longues, par Isabelle. Eh bien, contente que tu nous écoutes, Isabelle, ça fait plaisir à savoir. Merci. Revenons à nos moutons. Ça y est, j'ai perdu le fil pour changer. Ça, c'est du grand loup, faut pas s'inquiéter. Oui, qui dit manifestation dit alors les manifestations là où ça a eu lieu le plus fort, c'est Paris. J'ai entendu dire que Nathalie et Guillaume sont allés à Paris, c'est bien ça ? Oui, deux fois du coup, hein, le 1er et le 8. Et comment ça s'est passé ? Alors, le 1er et le 8, ça doit être pour l'acte 2 et 3. Non, 3 et 4, pardon. Eh bien, moi, mon ressenti, hein, le premier, ça a été très, très compliqué, notamment parce qu'on s'est fait pousser, en fait, par les forces de l'ordre à l'Arc de Triomphe qui nous ont contenus. Donc, effectivement, moi, je suis plutôt quelqu'un de gentil, je reste docile, même après 6-8 heures de gazage. Par contre, effectivement, la population a été excédée. Et on était parti manifester, en somme, et pas... voilà, pas respirer du gaz toute la journée comme ça a pu être le cas. Donc on a été un peu choqués par ce qui s'est passé, parce qu'effectivement c'était de vraies scènes de guerre civile et on n'a pas idée en fait de ce qu'on peut vivre là-bas. Il y a eu une telle répression et de telles annonces par les médias que franchement toute la famille conseillait de rester tranquille le 8 et de rester plutôt à Saint-Étienne que de remonter à Paris. Moi, je ne suis pas quelqu'un qui se tait sous la répression, en fait. C'est pas comme ça qu'on mourra. Donc, on a quand même décidé de remonter. Et là, c'est été un peu différent. Mais quoi qu'il en soit, que ce soit le 1er et le 8, moi, je trouve que les médias ont manqué de clarté, vraiment. C'est pas pour rien si de grosses équipes de télé, notamment, se promènent là-bas avec 4 ou 5 gardes du corps, parce qu'à un moment donné, on est aussi excédé de ce qu'on peut entendre. Même des youtubeurs, hein. Voilà, donc le 8, c'était effectivement un peu plus calme. Par contre, moi, je peux vous confirmer des arrestations complètement arbitraires dès 6 heures du matin. Pour des masques à peinture ou des lunettes de piscine, hein, donc ça pouvait être vraiment tout et n'importe quoi. Ça a été abusif, hein, les arrêts là. Ça a été abusif. On vous a empêché de manifester en fait. Plus ou moins, c'est ça. Dans toutes les rues, on est empêché de manifester, ouais. dans tous les sens. Donc après, le premier, il y a eu un gros effet d'annonce de casseurs. Moi, honnêtement, j'ai vu plus de casseurs le 8 que le premier, alors d'accord. Que le premier, il y a eu beaucoup plus de dégâts. Le problème, c'est que le premier, vraiment, on a tiré sur des citoyens lambda. Moi, j'ai sorti une dame âgée d'une 70aine d'années des gaz pour l'amener directement au CRS, parce que franchement, je pensais qu'ils allaient l'extraire. On m'a répondu, elle a voulu manifester, elle prend ses responsabilités comme les autres. La dame suffoquait, je me la suis gardée 10 minutes avec moi et puis on a dû évacuer. Mais voilà, donc le premier, vraiment, il s'est passé des choses qui sont pas normales. Le 8, c'est vrai que c'était un peu plus calme. Par contre, je ne comprends pas qu'effectivement on arrête des gens, qu'on place en détention préventive, chose qu'on n'a même pas fait pour des fichiers S ou des terroristes, hein, je veux dire, c'est... Donc voilà, donc on a placé des gens en détention pour des lunettes de piscine. À côté de ça, tous les casseurs, le 8, y rentraient. Donc c'est ce que j'ai dit à ma fille, je fais, tu viendras, tu iras plus à la piscine avec des lunettes de piscine, puisque c'est une arme de catégorie 1, hein, si j'ai bien compris. Voilà, c'était ça. Donc c'était pour regroupement en vue de cas. Donc, et on peut même rajouter quelque chose, une piscine sans eau, parce que même les gouttes physiologiques pour se protéger du fumigène à Paris étaient strictement interdites. Hein. Et quelles sont les armes contre ces fumigènes? Mais, ces gaz, à part la course à pied, je vous dirais que on n'a pas vraiment trouvé de solution. Nous, le 8, il y a encore un monsieur qui est passé d'ailleurs sur les grandes télés, qui avait une agence immobilière, donc peut-être il se reconnaîtra ou pas, mais en tout cas, il nous a quand même caché dans sa cave pendant une vingtaine de minutes. C'est le pot de terre contre le pot de fer quand même. Oui, c'est exactement c'est ça. Hein. Et par contre, on est vraiment en nombre. C'est sous-estimé, je veux dire, on voit les hélicoptères tourner toute la journée, néanmoins, il n'y a jamais un plan du dessus qui est fait. Parce que c'est là où c'est de là qui commande. Hein. Donc moi je peux vous dire pour avoir vu les grandes rues, les petites rues, les artères de côté, il y a un monde fou. Et ce qui intéresse les médias, c'est juste la casse. Oui. Visuellement. Oui. Tout ce que les gilets jaunes pacifiques, du tout, là on n'en parle pas du tout. Alors ça que ça fait pas d'audience. Et puis j'ai envie de vous dire, je vais pas être malhonnête. Il y a des gilets jaunes effectivement qui sont excédés et qui sont prêts à passer à une autre étape. Maintenant, moi, ce qu'on appelle, alors j'aime pas du tout ce mot en plus, mais ce qu'on appelle vulgairement les casseurs, je vois bien que c'est pas les mêmes choses qui sont atteintes. C'est-à-dire que les gilets jaunes en colère, vraiment prêts à faire de la casse, que j'ai vu, s'en sont pris à des banques, s'en sont pris à des horodateurs, s'en sont pris à des choses comme ça. Les casseurs ne font franchement que des magasins de téléphonie, des boutiques de sport, de fringues. C'est plus des pilleurs. Hein. C'est plus du pillage, finalement. Je veux bien admettre que ça relève aussi d'une forme de pauvreté. Hein. Je veux dire, celui qui a chez lui ne profite pas d'une manifestation pour aller piller. Mais c'est un autre débat. Voilà. Mais pour autant, oui, je pense qu'on peut... j'en suis même à me demander si on ne fait pas volontairement monter la violence dans la population pour discréditer le mouvement. Quoi. Voilà, parce que je pense qu'effectivement, la petite dame qui n'a jamais trop participé aux Gilets jaunes et qui voit ça sur sa télé se dit « Oh là là, mais ce sont de fous dangereux et on ne va certainement pas leur faire confiance. » Et l'acte 5, c'est déjà signé ou... Oui. Ouais. Oui. Ouais, c'est déjà signé, l'acte 5. Je pense qu'il faut porter ses droits vraiment jusqu'au bout, il faut porter ses convictions. Ça ne s'est pas toujours fait... Ça peut pas se faire tout en souplesse. Effectivement, c'est le pot de terre contre le pot de fer, mais il est costaud, le pot de terre. Hein. Ouais. Je veux dire, il est bien renforcé. Oui, quand le peuple est dans la rue, c'est difficile de le faire rentrer à la maison. Exactement. Mmh. Mais en fait, c'est-à-dire que c'est ça. On a à la base un gouvernement qui nous a mis dehors. Maintenant, pour nous faire rentrer, ça va être plus compliqué. Vous avez eu des conflits avec les supermarchés du coin ou pas du tout? Moi non. Après, on essaye de faire les choses quand même pour. Il y a Michel qui fait oui de la tête. Oui, je peux t'affirmer qu'il y a quelques grandes surfaces dans le coin, les Jiffy, les Leclerc, qui sont pas très contents. Mais ces gens-là oublient une chose. Alors ils viennent pleurer sur toutes les larmes de leur corps. Ils oublient une chose. Hein. Ils ne paient pas d'impôts chez nous. Oui. Bah oui, parce que Leclerc ne paie pas d'impôts, Schengen, merci. Hein. Donc quand cette grande enseigne commencera à payer des impôts sur notre territoire, on pourra peut-être relâcher largement le mouvement et le laisser continuer à vivre. Et en plus, il ne faut quand même pas qu'ils aillent d'une extrême à l'autre. On n'y perturbe pas tant que cela. C'est deux, peut-être trois manifestations, quelques heures dans la journée et... trois fois dans la semaine, quoi. C'est pas quelque chose. Est-ce que c'est pas le serpent qui se mord la queue? Parce que vous êtes des citoyens lambda, comme tout le monde, et vous allez faire vos courses comme tout le monde. Oui. Sauf qu'aujourd'hui, vous pouvez acheter votre baguette et votre fromage, mais demain, vous pourrez acheter votre baguette et mettre le fromage dans votre poche. Tout à fait. Parce que vous pourrez pas payer le fromage, mais tout ça pour manger et pas pour voler un jeu ou un téléphone, un truc comme ça. On est bien d'accord. C'est un peu le serpent qui se mord la queue, quoi. Tout à fait. C'est des gens qui n'ont pas compris que. Le système que l'on défend, c'est pas le système des pauvres contre les riches. Les gens riches, on en a besoin. Moi, un chef d'entreprise qui se lève tous les matins, qui a 300 ou 400 employés et qui transpire toutes les nuits parce qu'il ne sait pas de quoi demain sera fait, lui, le CICE devrait l'aider. Ces entreprises-là, elles devraient être aidées. Nos petits artisans qui font 80 heures par semaine, 70, 80 heures, et quand tu calcules leur salaire à la fin du mois, on dit « Ah oh ben oui, ils ont gagné 3000 euros. » Peut-être, mais fais le calcul à l'heure. C'est même pas le SMIC. Hein. Et ces gens-là, avec leurs deux ou trois petits employés, Eux, ils transpirent. Nos petits commerces, on les saigne tant qu'et plus. On fait des cadeaux à toutes les grandes enseignes qui, elles, sont dans le CAC 40, et on saigne tout le reste. Il n'y a que les pseudo-leaders de notre économie française qui ont droit à des cadeaux. Les autres n'ont qu'à mourir. Eh ben non, il faut modifier le système. Vous avez des commerçants qui sont quand même avec vous? Bah, oui. Heureusement, tu regardes, on a des cadeaux. Regarde les jolis bonnets qu'on nous a offerts. D'accord. Bah oui. Qui viennent de l'aventurier. Ouais. Puis cette semaine, on a été faire un blocage aux stations essence pendant 2 heures. Et la directrice du Cora est venue. Je lui ai expliqué qu'on bloquait pendant 2 heures. Elle m'a dit, c'est possible de bloquer jusqu'à 4 heures. Je lui ai fait oui. Et c'est elle-même qui a fait fermer la barrière de la station essence. Pour D'accord. nous dire, bah écoutez, je vous soutiens, je ferme la barrière de la station essence. Donc il y a des commerces qui nous soutiennent, mais il y en a d'autres absolument pas, parce qu'ils trouvent ça absurde. Mais vu ce qu'ils gagnent, c'est normal aussi, il y en a. Après, on peut entendre hein, effectivement la colère des dirigeants de supermarchés, tout ça, mais si vous voulez, elle ne nous touche pas. Elle ne nous touche pas aujourd'hui parce qu'on a une perte de patrimoine. On a des artisans, on a des producteurs locaux, on a des paysans. Je veux dire que les Vosges, c'est quand même un beau territoire par rapport à ça. On avait du savoir-faire. On est en train de tout céder tout doucement à la grande distribution. On va faire des cadeaux éventuellement de Noël, acheter des portables, des ordinateurs, oui. Enfin, dedans, c'est quand même du lithium, c'est quand même des mines de cobalt, c'est quand même des enfants qui travaillent là-dedans. Je veux dire qu'on est tous responsables à un moment donné. Et là, c'est peut-être le moment aussi d'en prendre conscience. On a de vrais gens autour de nous qui travaillent vraiment et qui ne dégagent pas de salaire non plus. Et pourquoi ? Ben parce que c'est plus facile d'aller à Leclerc acheter un morceau de viande que d'aller chez le voisin qui est paysan. Voilà, donc il faut quand même redonner un peu de valeur au travail. Et des gens qui travaillent, on en a. Et puis, il faut me dire une chose, on en a marre d'être culpabilisé. En ce moment, ils prennent comme excuse l'écologie. Ils sont marrants. Nous, la France, on est responsable sur le plan mondial de la pollution en hauteur de 0,9% pour 70 millions d'habitants. Ce qui fait qu'on est quand même relativement sérieux. On pourrait mieux faire, il faudra mieux faire. Mais avant de venir nous taper sur les doigts en nous disant « vous êtes de sales pollueurs », que l'on commence déjà à assainir l'ensemble, mais sur le plan mondial. Après, quand tout le monde aura fait l'effort que nous consentons à faire, on pourra peut-être négocier. Alors que Macron comprenne que ce genre de bêtises, c'est fini. Ça fait 50 ans qu'on nous culpabilise. Tu voulais pas ça, c'est que t'étais un raciste. Tu voulais pas ça, c'est que t'étais comme ça. À chaque fois, ils ont trouvé une excuse pour culpabiliser le peuple français en leur disant, de toute façon, si vous ne votez pas pour nous, vous n'êtes pas un bon citoyen. On s'est aperçu que c'était de mauvais politiques. Depuis Valéry Giscard d'Estaing, ils sont mauvais. Ça n'est pas de ma faute, c'est un constat. Qui a libéralisé la finance en 1974 ? Pendant son mandat, c'est bien M. Giscard d'Estaing, avec toute la bande de gugus qui l'entourait. C'est bien eux qui ont libéralisé le monde de la finance, en expliquant aux Français que, entre eux, nos amis les financiers parviendraient très bien à équilibrer les choses et qu'il n'y aurait plus jamais de problèmes et d'ennuis. Ben, on voit où on en est arrivé. Hein. Ils pillent les caisses de tous les États et ils font crever les peuples. Alors, quand on est dirigé par autant de guignols, parce qu'il n'y a pas d'autre terme, il arrive un moment où les peuples doivent se réveiller. Les Allemands commencent, les Belges, et c'est pas fini. La Bulgarie aussi ? L'Espagne. Moi, je dirais pas que c'est des guignols, ils savent très bien ce qu'ils font. On a vu ça en Grèce. La Grèce était le laboratoire de la vente de tout un patrimoine d'un peuple. Donc en France, Monsieur Macron, qui c'est son métier, il faisait fusion-acquisition, c'est-à-dire il permettait aux grosses entreprises d'absorber des petites. Donc il est en France, il est là, il fait Alstom une fois, deux fois, trois fois, jugé vendu. Aéroport de Paris, une fois, deux fois, trois fois, jugé vendu. SNCF, pareil. Les autoroutes. La Française des Jeux, il liquide tout ce que nos anciens, nos ancêtres ont bâti avec de leur sueur, de leur sang, il liquide tout ça parce que soi-disant on est endetté et qu'on doit vendre tous nos bijoux de famille pour rembourser la dette qu'on a contractée. Et la dette qu'on a contractée auprès de qui ? Auprès des banquiers qu'on a sauvés. Donc on les a sauvés d'une faillite frauduleuse et c'est... Nous qui avons une dette envers eux, c'est eux qui ont une dette envers nous, normalement. Et on n'a pas à vendre tout notre patrimoine, tout ce qu'on a bâti depuis des années et des années, à ces gens-là, parce qu'ils savent très très bien ce qu'ils font. Ils veulent s'approprier le patrimoine français. C'est des grands fonds de pension, c'est des grands financiers qui font puis, ça. Et puis, puisqu'on est dans les Vosges, on peut parler aussi de l'industrie du textile. Ça a commencé par ça. Hein. On a fait visiter nos usines, tout ça. On s'est fait démanteler comme ça, on s'est fait bouffer. Et ma foi, après, ça passe à autre chose. Et puis voilà, on en est là aujourd'hui. Alors, de ce que je ressens aussi, c'est un petit peu tout un jugement de la société comme elle est faite, comme elle est bâtie, une société très capitaliste et une société aussi très globalisée, très mondialisée, ce qui pose problème, surtout comme ici, on est un petit peu plus, on va dire, en campagne et pas en zone urbaine, plein de restructurations qui demandent à être faites. Il y a encore sur Épinal, Bragard, le dernier truc qui restait, il a déjà été racheté, mais là, ça y est, ils vont encore faire des licenciements à tout va, là, sur Épinal. Bragard, c'est fini, hein. Ça y est, c'était le dernier truc. Oui, ils restructurent à mort. Moi, je vois, là, il y a 600 hauts fonctionnaires, donc des hauts fonctionnaires. Ils ont, c'est 300 000 euros à l'année. Il y en a quand même jusqu'à 37 000 euros par mois. Et ces gens-là, les hauts fonctionnaires, c'est eux qui se permettent de dire, on va fermer là où on va enlever 240 personnes entre Épinal et Remiremont pour les infirmières, on va fermer ci, on va fermer ça. Mais ils n'ont pas honte, ces gens-là. Avec l'argent qu'ils gagnent par mois, ils arrivent à faire ça. Enfin, ils se regardent dans la glace le matin. Enfin, il y a... Et donc les infirmières, elles crèvent au boulot, elles sont une pour 50 ou 60, je ne sais pas combien, peut-être bien plus de patients. Enfin, y a plein de choses qui ne vont pas. Il y a l'argent, mais il n'y a pas que l'argent. Moi, je vois la police, il n'y a plus personne n'a de respect pour la police, quasiment. Enfin, il y a de la racaille partout, il y a plein de choses qui ne vont pas, quoi. Les suicides chez les gendarmes, c'est énorme, quoi. C'est pas normal, quoi. Enfin, il y a... Les gendarmes, chez les agriculteurs. Ouais, aussi. Chez les agriculteurs. Ils ne suicident pas pour rien, les mecs. Je sais pas. Quand... Il y a quelque chose qui. Même dans la police et chez les gendarmes, il y a beaucoup de suicides. Oui, en effet. Et je disais c'est... chez les gendarmes et chez, même dans la police. Voilà. Comme les pompiers qui se font caillasser, moi je trouve ça inadmissible, quoi. Inadmissible. Mais là, il n'y a pas de CRS pour y aller, c'est malheureux. Par contre, des mecs comme nous, on est des bosseurs ou des gens qui cherchent du travail, on n'est pas des méchants, et là on nous tape sur la tronche ou on nous gaze pour qu'on s'attaque ou qu'on se rebiffe et puis qu'on nous foute en tôle. Mais là, de toute façon, Manu, tu n'auras pas assez de tôle pour mettre tout le monde. Hein. On est des gilets jaunes, le peuple français, de toute façon, il y a 84%, 80, je ne sais plus combien, qui nous soutiennent, et on est je ne sais pas combien de gilets en tout, mais on est énorme et il n'aura pas assez de cabane pour mettre tout le monde. Hein. Plus aujourd'hui. Plus aujourd'hui. Ouais. Vous dites 84%, plus aujourd'hui. Ouais, après. Finalement, il y a 50%, et même maintenant, il y a des gilets jaunes qui disent qu'il faut arrêter le mouvement. Ouais, c'est ce qui se dit. Moi, ça me fait bien rire. C'est du média, c'est tout uniquement. Après, c'est ce qui se dit, quoi. Moi, je pense que tant qu'on ne fait pas un référendum, le sondage, ça restera des sondages. Si M. Macron pense qu'il est légitime dans ce pays et que moins de 50% des Français nous suivent, qu'il lance un référendum et qu'on voit vraiment, au lieu de parler de sondage, de quoi que ce soit, on est en démocratie, on ne veut pas que Macron rende l'ISF, on veut qu'il nous rende notre souveraineté. Donc, voilà. Il faut que ça soit transparent, quoi. Il faut qu'il y ait de la transparence. C'est tous des menteurs, quoi. Enfin, Macron le premier, quoi. Parce que, moi, il se trouve que je fais voter certaines personnes, avec une urne, pardon. Il n'y a pas beaucoup de personnes qui savent ce que c'est un référendum d'initiative citoyen. En fait, les gens pensent que c'est pour dissoudre l'Assemblée nationale et ainsi que gicler Macron. C'est pas ça. En fait, quel que soit le gouvernement qui se remplace, Monsieur Macron peut rester président s'il le souhaite. À partir du moment qu'on a un référendum d'initiative citoyen, ça nous permettra de filtrer toute loi, toute décision de Monsieur Macron, même si l'Assemblée nationale, il y a 200 sièges. On va imaginer à l'Assemblée nationale, il y a 200 sièges qui sont du parti de M. Macron. On va imaginer qu'il n'y a plus de parti politique, sauf celui de M. Macron. Seul le référendum d'initiative citoyen va nous permettre de contrôler toutes les lois, tout ce qui est proposé. On fera barrage ou on fera passer selon. En fait, c'est simple, on sera consulté une fois par tous les 3 mois à peu près, chaque fois qu'il y a des lois qui seront proposées, et on décidera si ça nous convient, si ça ne nous convient pas. Ça sera la vraie démocratie. Tout à fait. Là, on veut retrouver notre liberté. Notre liberté, notre souveraineté. On veut être citoyen. Et notre, ouais. on voilà, notre citoyenneté, notre véritable citoyenneté, d'où le nom référendum d'initiative citoyen. Comme là, c'est passé. Là, ils ont refusé pour mettre de l'argent pour les cancers des gamins, quoi. Donc, pour des gosses, on refuse. Ça s'est passé les jours derniers, là. Ça, c'est inadmissible, quoi. En effet, c'est plein de choses. C'est un gros ras-le-bol et le gouvernement qui ne réagit pas à la juste valeur, qui appauvrit les plus pauvres, qui enrichit les plus riches, comme on l'a entendu, hein, des entreprises comme, je vais pouvoir la citer, Starbucks, qui ne paye pas d'impôts en France, alors que c'est une énorme entreprise qu'on voit partout dans le monde, et qui a des sous à donner aussi, vu qu'elle a des exploitations ici. Voilà, c'est plein de choses. Mais c'est vrai qu'il y a un dernier point qu'on n'a pas abordé, qui pourtant est extrêmement frais, vos réactions vis-à-vis du discours de Macron. Encore que Michel, on sait, lui, c'est le sucre glace sans le gâteau. Est-ce que vous, par rapport à ça, est-ce que vous vous êtes senti plus ou moins entendu? Oui, vous êtes senti entendu. Arnaud, la parole est à toi. Ben, moi, en tant que chômeur, déjà, non. Pas du tout. Et puis, je voudrais pas parler que des chômeurs, je voudrais aussi parler des retraités qui ont cotisé, eux, toute leur vie. Maintenant, une fois qu'ils sont en retraite, on les saigne par la CSG. Monsieur Macron a annoncé l'annulation de la CSG, mais il faut bien se dire que c'est que pour 2019. Hein. Donc, qu'est-ce qui en sera en 2020 ? Mystère. C'est une excellente question. C'est comme l'augmentation du carburant. Initialement, ça devait être suspendu pour 6 mois. C'est annulé pour 2019 seulement. Oui, voilà. Mais après, on ne sait pas derrière ce qu'il va y avoir. C'est comme la prime des 100 euros. Sachant que la prime des 100 euros, en fait, il y a 30 euros qui seront indexés sur... qui étaient prévus dès janvier. Et en fait, le restant, c'est sur le... comment ? Je perds mon mot. Sur le salaire ? Non. L'inflation ? Non. La prime pour l'emploi. Oh. Enfin bref. Un mot difficile à trouver. Non, pas difficile, mais on en parle tellement en ce moment que j'en oublie le mot. Et en fait, M. Macron a fait un paquet sur 3 ans, en fait, qu'il distribue tout de suite. Mais qu'est-ce qu'il y aura en 2020, 2021, 2022? Ça, c'est toujours pareil. C'est juste pour calmer. Je rejoins Michel, hein, avec son sucre en poudre, on n'a pas le gâteau, quoi. Et c'est aussi une question que tu soulèves, qu'en sera-t-il de notre avenir? Qu'est-ce qui va advenir? Et surtout, s'il y a une question qui est très légitime, c'est auprès des jeunes. Guillaume, on t'a pas encore entendu. Toi, qu'est-ce que tu penses, qu'est-ce que tu sens vis-à-vis du discours du président Emmanuel Macron? Honnêtement, c'est vraiment, comme il disait, hein, du sucre en poudre, ça a rien changé vraiment. Surtout que c'est du brut qu'il a donné, c'est même pas du net, par rapport à ça, donc... Et après, il parlait des gens qui avaient touché 100 euros en plus, du coup, ils passent imposable. Non, mais c'est du net. Oui. C'est du net, okay, d'accord. C'est du net, hein. C'est pas du brut. Voilà. Là, je... Mais moi, ce qui m'inquiète dans tout ça, c'est est-ce que Macron a gagné, a réussi son coup? Ou pas du tout? Non. Parce que non. Je vois que 50% des Français, c'est vraiment que des sondages et c'est tout. Quoi. Ouais. Macron n'a pas réussi son coup. Bah, tout est fait pour nous diviser, de toute façon, ouais. Sur ci. Il essaye tout, il nous tape sous la tronche, il envoie ci, il envoie ça, il fait des incarcérations, tout est fait pour... Mais là, comme hier, il n'a même pas parlé des handicapés. Moi, je vois, il y a des gens qui ont le cancer, ils ne sont plus à 100%. Donc, je ne sais pas, c'est pas normal, quoi. Ouais. Les gens qui ont le cancer, et voilà, et puis, donc, Monsanto, on leur donne des millions, on leur laisse faire tout ce qu'ils veulent, et puis il y a des gens qui ont le cancer parce qu'ils ont bouffé de la merde, eux, ils ont le droit à plus rien, ils n'ont même pas le droit au véhicule pour les amener, ils n'ont pas le droit, enfin... C'est pas normal, quoi. Oui. Ce qu'il a fait, c'est diviser pour mieux régner, en fait. C'est un peu ça, ça n'a rien. Un peu ça. Ouais. Un peu beaucoup, même. Oui, un peu beaucoup. Bah, et quand on entend éventuellement parler de récupération politique, d'extrême droite, d'extrême gauche... Alors moi, je veux bien entendre tout ça. Il est vrai qu'il y a des idées, peut-être, qui appartenaient déjà à de vieux partis. C'est obsolète. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, on n'est pas sur un... On n'est pas sur une politique connue. En fin de compte, on veut quelque chose de neuf. Et on ne veut pas voter entre peste et choléra à chaque fois qu'on se présente aux urnes. Et on ne veut pas voter pour quelqu'un qui, de toute façon, a un salaire qui est complètement démesuré par rapport au nôtre et qui, de fait, ne peut pas comprendre les réalités de ce qu'on vit. Moi, aujourd'hui, un SDF me raconterait sa vie. Oui, je le plaindrais. Maintenant, je ne sais pas ce que c'est que de trouver un abri la nuit. Je ne sais pas ce que c'est que d'avoir le ventre creux. Voilà, donc il faut arrêter de nous faire croire qu'on se met à notre place, alors que je pense franchement que ça n'est pas possible aujourd'hui avec l'argent qui est brassé au-dessus. Tu gagnes combien par mois? Moi, je gagne 980 euros. Donc, mon mari travaille également. On a deux salaires. Il y a eu une honte aussi générale pendant des années parce que, franchement, on se demande pourquoi on n'arrive pas à finir le mois. Je veux dire, au départ, on a réduit sur les vacances. Ensuite, on a réduit sur les sorties. Maintenant, on réduit sur le caddie. Et c'est là que ça devient dangereux. Moi, moi j'ai 30 ans, je suis à la fois parent et enfant, mes parents se retrouvent en difficulté, mes enfants le sont aussi, j'y suis moi-même, que fait-on ? On a trois générations. Je vais parler vulgairement, mais on a l'impression que quand on va faire les courses, qu'on mange de la merde. C'est un peu ça ? Ah ben oui, mais il y a qu'à retourner les produits, je veux dire, et lire à partir du moment où il y a 40 ingrédients dans un paquet de chips, il faut peut-être quand même se poser des questions. Parce que financièrement, on n'a pas le choix. Exactement. Eh ben oui, oui. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on pourrait faire vivre quand même nos producteurs. Je veux dire que nos producteurs, ils ont des charges sur la tête, des trucs incroyables. Je veux dire, on a les coopératives qui imposent le prix du lait. Moi, si j'ai quelque chose à vendre et que j'en veux un certain prix, le seul endroit où on pourra me le faire baisser, vous m'excuserez, mais c'est dans un vide-grenier. Ouais. Je pense pas que les gens, aujourd'hui, vivent au vide-grenier. D'accord, enfin, oui, c'est un peu ça. Ouais. C'est un vide-grenier. Il faut redonner de la valeur au travail. Moi, j'ai rencontré des gens qui ne me ressemblent pas. Hein. Une maman avec 3 enfants qui ne travaillent pas et qui me dit tout simplement mais je ne peux pas parce qu'aujourd'hui les aides sociales je m'en sors tout juste et si je travaille je dois redonner 500 euros à ma nounou, je ne peux plus. Donc la valeur du travail aujourd'hui franchement elle est compliquée. De toute manière si ce système ne change pas, parce qu'il y a beaucoup quand même de Français qui ne soutiennent pas aussi les gilets jaunes, ça existe, il faut bien se dire que il va falloir changer notre système de pensée et surtout notre système, notre façon de vivre. Voilà. C'est tout simple. Il faut revenir à plus simple. Exactement. Oui. Voilà, arrêter d'être dans la surconsommation, de changer de smartphone, tout ça. Vous savez pas. Enfin, pour ceux qui écoutent et qui ne s'aperçoivent pas, parce que ils sont toujours en train de changer leur voiture tous les ans pour éviter de perdre l'argent. Mais tout ça, c'est on peut se satisfaire de très peu et vous verrez que vous trouverez la vérité dans la simplicité. C'est pas des choses inutiles qui fait qu'une société est évoluée, est intelligente. C'est bien le contraire. Si je suivais Macron, donc il me proposait au début une prime de 2000 euros pour changer ma voiture. Donc, comme toi, je suis au chômage, je ne peux pas changer de voiture. Alors, je vous explique, moi, mon cas, de toute manière, ma voiture, là, elle est passée au contrôle technique. C'est une voiture qui date de 88, c'est une vieille BMW. Je l'ai passée au contrôle, elle est passée. Le gars, il m'a dit, encore 2 ans, c'est fini, après, elle ne passe plus. Bon, moi, c'est une essence, donc c'est pas 1 an au contrôle anti-pollution, c'est 2 ans. Bon. Mais la carrosserie était percée, il m'a dit, elle ne passera pas. Bon, j'ai eu de la chance qu'elle passe en collection. Donc, je l'ai vendue à quelqu'un qui était intéressé parce qu'elle est passée en collection. D'accord. Et donc, pour moi, c'est avantageux de la vendre parce que on n'a pas de frais au niveau de la carte grise pour la vendre en collection. Quelqu'un qui a sa voiture, comme moi je l'ai eu depuis 20 ans, si l'année dernière elle passait à 30 ans, je ne pouvais pas la mettre en collection parce qu'il fallait repayer une carte grise avec des frais en plus pour la passer en collection. Bon bref, ce qui m'a permis de la vendre la voiture. Mais même quelqu'un qui a une voiture encore aujourd'hui, il ne peut pas se permettre d'avoir une voiture actuelle qui date parce que vous savez maintenant les nouvelles lois qui ils ont fait un moratoire sur le contrôle technique, sur les diesels, sur les préventions 2009, mais il faut bien savoir que c'est des voitures qui datent sur le moratoire qu'ils ont fait, c'est les moteurs polluants à partir de 2004-2005. Donc vous voyez, les gens, une voiture aujourd'hui qui date de 2005, et moi je cherche une voiture actuellement, ça coûte 5 à 6 000 euros, quoi, une voiture qui date de 2005. Et t'as pas droit à la prime. Mais... Il faut avoir l'argent. Ouais. Donc déjà, il faut mettre de l'argent de côté. Et la prime, alors comment ça fonctionne ? Est-ce qu'il faut passer par un concessionnaire ? Moi, je parle de particulier à particulier. Bien sûr. Il faut faire attention à tout ça. Il y a beaucoup de choses qu'on nous dit pas et il y a des pièges. Mais même au chômage, je sais pas combien tu gagnes au chômage. Pour être plus exact, je suis au RSA. Ouais. Voilà. Moi, j'ai une hernie discale, parce qu'il y a aussi une chose qu'on parle pas, il y a des dommages collatéraux par rapport au système d'aujourd'hui. C'est-à-dire que ça commence, le CACES, je parlais du CACES tout à l'heure, effectivement, j'y allais 2 fois par semaine, toutes les agences intérim de remiremont. On m'a pas proposé, on m'a dit bon, on donne déjà aux gens qui sont habitués, etc. Et puis après, le dossier au fur et à mesure. Puis après, c'est le CACES qui était plus valable. Et puis il y a l'hernie discale, donc on les reconversions, c'est bien. Moi, j'ai fait aussi des reconversions dans la mécanique moto, tout ça, mais il n'y a pas de débouché derrière. J'ai même fait, je me suis même proposé à travailler en station de ski pour les tire-fesses et faire dans la caisse, pour faire l'accueil des clients, de la clientèle. Israël, en fait, un homme polyvalent comme une femme polyvalente. En fait, c'était homme-femme. Et bon, ben voilà, on en est là aujourd'hui. On est obligé de tout remettre en question. C'est, et même en se remettant en question, on n'a pas forcément du répondant en face, parce que c'est aussi le problème de la jeunesse. Les patrons aujourd'hui préfèrent faire des stages. Enfin, ils profitent certains. Pas tous les patrons, mais beaucoup de patrons profitent aussi des subventions qu'ils ont de l'État pour prendre que des jeunes, faire tourner comme ça. Il y a encore tout à l'heure, autour du rond-point, il y a un jeune qui est venu me voir, il m'a dit, mais mon patron m'a dit, il ne m'embauchera jamais parce que, tout simplement, parce que j'ai plus à gagner en ayant les subventions et en te prenant stage. Après tes 3-6 mois, je prendrai quelqu'un d'autre, etc. C'est comme ça aujourd'hui. Donc il y a plein de... on parle de l'essence, on parle de ceci, mais il y a plein de dommages collatéraux. Il y a des gens qui ont des problèmes de santé qu'il ne faut pas se soigner. C'est énorme tout ce qu'il y a. On ne peut pas parler de tout ce soir, désolé. Non, en effet, d'ailleurs, j'aurais peut-être même envie de faire une prochaine émission avec vous, parce que malheureusement, le temps va manquer. Mais tant qu'il y pense, est-ce que le mouvement des Gilets jaunes des Vosges, au moins, a une page Facebook, un site internet sur lesquels on peut se référer et qu'on peut identifier en podcast? Il y a Patricia qui est en train d'y travailler. Elle est en train de faire un site avec aussi un système de comptage, apparemment, pour qui est pour et qui est contre. Pour la politique de Macron, enfin, il y a tout un truc qui est en train de se mettre en place en ce moment, mais elle travaille dessus depuis déjà un petit moment, et ça se fait pas comme ça, mais elle travaille dessus, ouais. Ah, donc dès qu'on aura des nouvelles, le site internet sera indiqué sur notre page Facebook. Mais en tout cas, on voit bien que c'est un tout, c'est plein de choses, un trop-plein, qu'il y a beaucoup de choses à dire, à exprimer et à réformer, à changer, même dans nos petit modes petit à petit vie. Par le référendum, hein, parce que nous, on n'a pas la prétention de vouloir... décider à la place des Français. Exactement. Voilà, c'est les Français qui décident, c'est le peuple qui doit décider. Hein. C'est pas qu'une poignée qui ont les sous, et parce qu'ils sont instruits, ils croient qu'ils sont intelligents, quoi. Alors que l'instruction n'a rien à voir avec l'intelligence. Hein. Et ils seraient intelligents, à l'heure actuelle, on n'en serait pas là, quoi. Ou l'autre poignée qui peut bloquer les gens, etc. On veut que ce soit tout le monde. Tout le monde. Et on aimerait bien que les Français aussi, qu'ils soient sympathisants ou pas, demandent à pouvoir donner leur avis sur cette question. Est-ce que Monsieur Macron doit partir ou pas? D'où l'action qu'on fait sur Mermont. Vous pouvez venir au rond-point. Il y a une urne, il y a des bulletins de vote. Vous pouvez donner votre avis, n'hésitez pas. Et vous êtes les bienvenus. C'est dommage, parce qu'on a commencé à parler des voitures électriques. Il y a beaucoup à parler là-dessus. Oui, voilà. Oui. Là, il y a des batteries, du recyclage. Comme quelqu'un... Ce sera avec le plus grand plaisir. C'est vrai que les voitures électriques, on va en parler de quelques mots quand même. 70% du parc électrique en France est nucléaire. On fait quoi des déchets nucléaires? Exactement. On les met 500 mètres sous terre, déjà, mais là, il y a de l'argent. Déjà, là. Pour commencer, M. Macron, il veut... Monsieur Macron, il veut déjà, soi-disant, jusqu'à 2030, démanteler 14 usines. Mais il faut bien comprendre que si on met en place le système de la voiture électrique, il y aura... il faut, je ne sais pas combien, on m'a dit, 400 000 voitures, il faut une centrale nucléaire, ou 400 millions. Pas 400 millions. Enfin, 40 millions de voitures. Je crois que c'est 40 millions de voitures électriques nécessitent une centrale nucléaire. Et là, il parle d'un projet soi-disant, entre guillemets, écolo. C'est un pur mensonge. En fait, il parle de démantèlement de centrales nucléaires à démanteler. Fessenheim, et il nous vend les voitures électriques. Donc, cherchez l'erreur. On n'arrive déjà pas à chauffer l'hiver. Ils nous disent toujours qu'on est à court d'électricité. Et puis, ils veulent en plus mettre tout le parc en électrique. Ils sont merveilleux. On les aime. Et la prime de 4000 euros qu'il veut offrir, c'est qui va la payer? C'est une bonne question. Ah oui, ben c'est vous et moi. Oui. Simplement. Et avec 4000 euros, on n'a pas une voiture de... Non, une voiture, c'est 23 000 euros d'occasion. Ouais. Une voiture électrique, c'est 23 000 euros d'occasion. Donc 4 000 euros, excusez-moi, ça fait 21 000 euros. Donc quand on est au chômage, on ne peut pas avoir un crédit. On est bien d'accord. On est bien d'accord. On ne peut pas le payer. Même en travaillant. Mais on n'arrive déjà pas à se nourrir à la fin du mois. On ne va pas acheter une voiture électrique. Bien sûr. Enfin, c'est aberrant. On n'a pas parlé de ça. C'est comme les voitures électriques. Les batteries, c'est du lithium et du cobalt. Et on va le chercher où, le lithium et le cobalt? En Afrique. C'est qui le puise? C'est les enfants de 10 à 15 ans. C'est aussi le problème d'un monde qui n'est plus éthique, hein. C'est vraiment tout un problème, mais c'est vrai que Michel l'a dit plus tôt, s'il y a au moins un endroit où on peut commencer à changer les choses, c'est ici en France, et après peut-être que ça s'étendra, on l'a entendu, les Allemands s'y mettent aux gilets jaunes, les Belges aussi, peut-être d'autres aussi qui ont des ras-le-bol par rapport au gouvernement. Hervé, il me semble que tu avais encore une ou deux petites choses à dire avant qu'on rende l'antenne. Oui, bah, par rapport au gasoil, enfin au pétrole, les gros bateaux, ils sont pas taxés, en fait. Et pareil, les avions, le kérosène, il n'est pas taxé, ça, c'est pas normal, quoi. C'est pas normal. Mais pareil, il y a plein de patrons aussi qui ont des. Moi, je pense aux grumiers, à tout ça, mais les gens, ils tournent au gasoil quand ils roulent, et quand ils sont avec la grue, eh ben, ils tournent avec le fioul, en fait. Et là, ils n'auront plus le droit, il faudra qu'ils mettent que du gasoil, quoi. Donc, ça va être un manque à gagner énorme pour eux, quoi. Oui, donc voilà, comme on le disait, il y a plein d'injustices. Adrien, que vous l'étudiez encore. Je voulais juste dire, comme une phrase que j'ai vue sur Facebook, Macron, t'as cassé les œufs, démerde-toi avec le jaune qui se répand. Et c'est totalement ça. Ah, c'est une belle phrase, ça. Il y a une autre phrase que j'ai eue, le pouvoir au peuple. Pour le peuple. Par le peuple. Voilà. Peuple, moi, si je peux, je voudrais juste ajouter qu'on a débarqué le 17 par hasard sur un rond-point en remettant en cause l'égalité, la liberté. Par contre, on a retrouvé une fraternité que, franchement, je pensais qu'on avait perdue. Oui. La preuve, c'est qu'on est tous là, on se connaît pas, on a des métiers différents, on vient de milieux différents, de cultures différentes. Et peu importe, en fait. On comprend bien que c'est en s'unissant qu'on peut faire bouger les choses. Nous ne sommes pas rien. Alors, on a entendu qu'on manquait de pédagogie dans un discours. Oui, bon, alors peut-être qu'on n'est pas des grands érudits, mais en tout cas, on travaille, on en veut, on lâche pas. Et on lâchera pas non plus les démunis autour de nous. On lâchera pas nos retraités, on lâchera pas nos gamins. On lâchera pas tous ces démunis, parce que eux aussi ont besoin. Et même si on gagne un peu plus, même si je gagne un peu plus que le chômeur qui est en face de moi ou un mec au RSA, eh ben j'ai quand même envie de me battre, parce que tout ça, c'est l'avenir et que mes gamines sont concernées. Voilà. Donc c'est Yann. Oui, donc, Yann, t'inquiète pas. Nathalie, tout à l'heure, elle parlait de pédagogie. Justement, j'insiste encore sur le RIC, parce que c'est l'orientation des Gilets jaunes dans toute la France. Il faut se rappeler, faites confiance, messieurs, dames, au référendum d'initiative citoyen. Vous allez me dire, en 2005, on s'est fait avoir, mais le problème, c'est que notre constitution, il n'y a aucune constitution au monde qui est valable. C'est tout des anticonstitutions. Voilà, notre constitution française est une fumisterie totale. C'est tout va pour, dans le sens, enfin, pour les hommes de pouvoir. Donc, faites confiance au référendum d'initiative citoyen. Merci. Référendum d'initiative pour lequel, ou enfin, vous avez mis. Ben oui, parce que en plus de ça, ce qu'on va vouloir, c'est graver ça sur le marbre et protéger dans la Constitution. Comme ça, elle sera pas ratifiable. Parce que là, en fait, elle n'est pas protégée, la Constitution. Donc, en fait, le président peut faire ce qu'il veut. Nous, non seulement on va obtenir le référendum d'initiative citoyen, mais en plus de ça, on veut le graver dans le marbre et que ce soit protégé dans la Constitution française. Et que ça fasse après désormais partie du paysage politique. Vous savez que en Suisse, ils ont ça depuis 150 ans, hein, oui, et ça fonctionne très bien. C'est une démocratie libre, je crois, oui. Oui, ils ont le référendum d'initiative citoyen depuis 150 ans, les Suisses. Et ils vivent très bien. Oui, ils vivent très bien, absolument. D'ailleurs, à propos, on a une réaction sur Facebook, un certain Guillaume qui dit « Merci de faire parler les Gilets jaunes au top ». Ben, merci Guillaume d'être à l'écoute sur le 107. Merci. Merci. Bonsoir. Merci. Bonne soirée à vous. Vous avez une chose à dire ? Non, mais je voulais juste je me posais la question, comment ça fonctionnait en Suisse ? Enfin, des explications, parce que moi je sais comment ça fonctionne, mais peut-être les auditeurs se posent la question, comment ça fonctionne en Suisse ? Alors, en fait, des citoyens qui veulent poser une question à leurs concitoyens se réunissent pour former une pétition. Et quand ils atteignent un certain nombre de signatures, c'est présenté aux députés qui lancent un référendum. Et donc, tous les citoyens se prononcent. Bah, après, je sais pas, c'est peut-être en canton aussi, vu que la Suisse est organisée, découpée par canton. Mais en tout cas, des citoyens peuvent prendre l'initiative de poser une question à leurs concitoyens en faisant une pétition, en ayant suffisamment de signatures pour déclencher ça, et tous les citoyens répondent à la question, et c'est pas seulement un petit groupe. Et puis si les gens se sentent concernés par ce qui se passe, ils retourneront voter. Parce que... Oui, c'est ça, on dit que les Français sont éloignés de la politique, mais c'est les politiques qui sont éloignés des Français. Clairement, si M. Macron lance un référendum sur une question ou sur la question de sa démission, de sa destitution, je pense qu'il y aura une grosse participation des Français, et tout le monde se bousculera dans les bureaux de vote. Mais là, on a intérêt. C'est clair. Je vais juste rajouter un truc pour la fin. Je parle de tous les Gilets jaunes de Saint-Etienne. Je remercie tous les gens qui nous ont fait des dons de bois, de nourriture. Toutes les personnes qui nous ont ramené des bâches. Ah oui, c'est formidable. Le cas, tout, quoi, tout le monde, la solidarité qui s'est recréée. J'ai vu des gens qui ont dit bah, écoutez, je peux pas venir, mais je vous ramène juste une thermos de café, je peux pas faire mieux. Mais c'est déjà énorme, quoi. C'est quelque chose de. c'est magique, quoi. C'est la fraternité, c'est la fraternité. C'est la fraternité, ouais, qui est revenue, et c'est, c'est top. Ouais. Voilà. Voilà. La fraternité, c'est la France, quoi. Ça sera notre mot de fin, ça sera la fraternité et la liberté. Et la souveraineté aussi. Ah, en effet, ce sont sur ces très belles paroles qu'on va tout doucement devoir s'arrêter. Mais avant qu'on s'arrête pour de bon, c'est déjà le moment de faire la programmation de la soirée. Restez encore, j'ai besoin de vous quelques instants. Alors, ce soir, dès 20h, on va écouter Michel pour son émission La Parole est à vous. Puis à 22h, Dominique pour J'ai aimé, je vous le lis. Et à 23h minuit, c'est du Rockabilly 20 Flight Rock. Musique jusqu'à demain matin, 7h, 8h pour la rediffusion de l'émission que vous avez écoutée à l'instant. Et pour ceux qui n'ont pas la patience d'attendre demain matin, le podcast sera disponible sur notre page Facebook Radio Guémozo ou sur notre site internet Radio Guémozo, rubrique émission et rediffusion, puis l'heure des loups. Aisément écoutable, aisément téléchargeable sur ordinateur, smartphone, tablette, tout fonctionne. Et les pages Facebook, les sites internet qui me serviront ou qui m'auront servi pour l'émission seront indiqués avec les podcasts. Puis demain matin, mercredi 12 décembre, vous aurez l'occasion d'écouter à 8h la chronique d'Amadou et enfin 8h30 la matinale de Marion qui vous racontera le programme de la journée de demain. On se retrouvera demain soir 18h, 19h et de bonne humeur pour parler de musique avec le duel Palma Pop de l'électronica, un duo qui a sorti assez récemment son album. En attendant, Lissigno, arrête de m'embêter, ça va être casse-pied. En attendant, merci beaucoup à Arnaud, Hervé, Yann, Tiff, Michel, Guillaume, Nathalie, Patrick, Adrien et Lissigno, même si t'es casse-pied comme d'habitude, pour votre présence, vos informations, et j'espère vous retrouver très vite à l'antenne pour continuer ce débat autour des Gilets jaunes. C'était très précieux. Merci à vous aussi. Merci. Radio sympathique. Hein. Merci aux auditeurs aussi d'avoir suivi l'émission jusqu'au bout. N'hésitez pas, comme d'habitude, à réagir. Comme je le dis, voilà, c'est ça d'avoir un débit rapide. On se retrouve demain, même heure, sur le 107. Bonne soirée à tous.